J'écoute votre cassette en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. J'ai l'intime, partie fine. C'est le retour de la sex machine. Winter is coming dans ta petite copine. Elle croit que ça trompe, je fais un benchmarking. Ouais la team, ça dit quoi? Rien. Parce que dans l'équipe, personne parle pour rien dire. On arrive d'un camp perdu, où il se passe rien. C'est centre-ville éteint, où tu vois jamais rien venir. Je me rappelle quand j'étais en rap de fraîche. Sale. Comme ce qu'il y avait dans ma barre de recherche. Ouais c'était la dèche avec les filles, je faisais de la peine. Je compte plus les vestes que je me prenais, maintenant je compte plus mes vestes Carven. Traversée du désert, condamné à faire carême. J'ai shooté dans le money time, James Harden. Swish. Pas du genre à jouer les nouveaux riches. Mais mon auréole aurait besoin d'un coup de polish. Fatigué, je suis tellement fatigué que quand je commence à rien faire, j'ai la flemme de m'arrêter. Je suis hiberné H24 toute l'année, pas de congé. Tu veux savoir comment je prends mes cafés allongés? Allongé. Et sur mon disque d'or, qu'on me retire ce que je mérite. Si jamais je vire de bord, je fais pas partie de l'élite. Même si notre film sort, je loue des chambres à l'hôtel où je passe mes nuits dehors. J'ai le cœur en mille morceaux, donc je me bousille le corps. Non, j'attends plus la fête pour me mettre ivre mort. Yeux rouges comme si j'inhalais des bassines de chlore. Et pas un jour qui passe sans que je maudisse le sort. L'industrie use de son charme, je la calcule pas, j'ai pas filé mon clic. Où sont les âmes perdues qui m'accompagnent? Mes compagnons de route ou mes compagnons de fuite? Même si l'époque nous condamne, non, on laissera personne nous dicter notre conduite. Je vais m'en sortir, c'est dur donc j'y mets toute mon âme. Ouais, c'est elle qui me guide si jamais ça se complique. Potion magique, je suis tombé dedans par accident. Je voulais faire sa propre, mais le blanc est salissant. Étoile invisible numéro 7, mon talisman. Les casseurs flotteurs te souhaitent un bon établissement. Douchebag. Boucle en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Clope sur clope, en boucle. J'ai qu'un seul bonnet, en boucle. Sur le canapé. En boucle, toujours avec les mêmes potes. En boucle, le même survêt. En boucle, on fait les mêmes blagues de merde. En boucle, sur le même trajet. En boucle, et je me dis que je vais changer. En boucle, je tourne comme un lion en cage. Non, attends, remets. Et je me dis que je vais changer. En boucle, je tourne comme un hamster dans une roue. Comme dirait ma mère, je suis sans dessus dessous. Les années à rien faire m'ont rendu fou. Je fais comme le père de Bernie, j'encule tout. Si je suis pas dans mon lit, je suis dans un bar. Si je suis pas en train de dessouler, je suis en train de boire. J'ai vu les aveugles et je me suis mis en plein phare. Je suis l'un des meilleurs rappeurs de l'histoire, point barre. Faut que je me tire de là. Je suis entre la crise de nerfs et la crise de foie. Entre deux prises de poids, entre deux prises de voix. Entre deux filles de joie, en train de me dire faudrait que je vise mieux que ça. J'ai besoin de repos. J'écris des trucs vrais mais je les chante un peu faux. J'ai juré jamais changer même pour beaucoup de zéro. J'ai juré jamais changer mais j'ai beaucoup de défauts. Plus de défauts qu'une fausse Jordan. D'ailleurs tout le monde porte des Jordan. Je veux plus jamais porter Jordan. Je veux juste devenir Michael Jordan. Je suis en boucle, je suis dans le rouge. Je suis dans le doute, je suis dans le gouffre. Je suis perdu en route, je suis là où le vent souffle. Je suis en stop et je suis trop feignant pour lever le pouce. Trop feignant. Je suis dans toutes les radios pirates. Maintenant ça chante depuis deux mois, ça parle de copyright. Même les fans parlent en vente en chiffres en audimat. Est-ce que c'est ton nouveau single ou ton coming out? Je suis dans Rocky 4. Quand il passe ses vitesses dans sa bagnole et qu'il voit sa vie défiler, voilà comment je me sens maintenant. Je fais cette merde depuis que j'ai 15 ans. Je suis majeur. Depuis qu'on a créé les casseurs. Quand nos signatures avaient pas de valeur. Quand on jouait encore en amateur. Quand tu trouvais bizarre tous les sons qu'il y avait dans mon baladeur. Quand j'osais pas dire au lycée que je voulais être rappeur. Parce que la seule chose qu'ils écoutaient c'était Ben Harper. Quand on se levait à pas d'heure. Quand je faisais la même chose tous les jours comme si j'avais Alzheimer. Clope sur clope, en boucle. J'ai qu'un seul bonnet, en boucle. Sur le canapé, en boucle. Toujours avec les mêmes potes, en boucle. Le même survêt, en boucle. On fait les mêmes blagues de merde, en boucle. Sur le même trajet, en boucle. Et je me dis que je vais changer, en boucle. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en